Sur les promesses, fils, mon roi, que tes louanges résonnent dans l'éternité. Voir dans le lieu très haut, je chanterai. Debout sur les promesses de Dieu, debout, debout, debout, debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur, debout. Je me tiens sur les promesses de Dieu, debout, debout, sur les promesses de Dieu, mon sauveur, débordé. Je me tiens sur les promesses de Dieu, debout sur les promesses infaillibles. Quand les tempêtes de doute et de peur assaillent, par la parole vivante de Dieu, je vaincrai. Debout sur les promesses de Dieu, debout, debout, debout, debout, debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur, débordé, oh. Je me tiens sur les promesses de Dieu, débordé, débordé, débordé, débordé, débordé, débordé sur les promesses de Dieu, mon sauveur, débordé, débordé. Je me tiens sur les promesses de Dieu, débordé sur les promesses. Maintenant je vois dans le sang la purification pour moi, debout la liberté qui vient de Christ, debout sur les promesses de Dieu, debout, debout, debout, debout, debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur, debout, debout, debout. Je me tiens sur les promesses de Dieu, debout, debout, debout, debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur, debout, debout. Je me tiens sur les promesses de Dieu, debout sur les promesses de Christ. Seigneur, attaché à lui par la corde de l'amour, toujours victorieux par l'épée de l'esprit, débossé des beaux sur les promesses de Dieu, mon sauveur, je me tiens sur les promesses de Dieu, des beaux sur les promesses de Dieu, mon sauveur, je me tiens sur les promesses de Dieu, debout sur les promesses, je ne peux tomber, toujours écoutant la voix des Saint-Esprit, déposant à mon sauveur mon tout entre, déposer les promesses de Dieu, déposer les promesses de Dieu, mon sauveur, des beaux, je me tiens sur les promesses de Dieu, des beaux, sur les promesses de Dieu, mon sauveur, des beaux, je me tiens sur les promesses de Dieu. Gloire à Dieu. Je prie Zambé. Une gamme très haute. Et la voix était là aux limites. Pour moi, nous nous sommes débrouillés pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué et béni. Il voit l'état de nos cœurs pour lui. Le désir de le louer sincèrement et exprimer notre foi de toutes les manières possibles qui lui sera agréable. Que Dieu soit béni. Nous prions. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, cette soirée calme et douce, un moment que tu as donné à nos cœurs pour nous approcher sincèrement de toi, de ton trône de gloire, ton trône de sainteté, ton trône royal, et actionner le téléphone royal, appeler la centrale de Dieu, qui peut nous mettre en connexion avec n'importe quoi à travers le monde. C'est pour nous un grand privilège, une vraie bénédiction, pour laquelle nous te louons et nous te glorifions, pour laquelle nous te remercions et nous nous attacherons à toi. Chaque jour soit béni, Seigneur. Que nos cœurs t'adorent et te vénèrent. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être invoqué. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Tu es digne d'être glorifié par tout ce qui respire, par toute créature. Que ton nom soit sanctifié, le seul nom qui nous protège et qui nous assure la joie de vivre. Pour la terre, tout est déchiré. Se retourne d'un moment à l'autre, tantôt la joie, tantôt les pleurs, tantôt nous chantons et tantôt nous regrettons. Mais auprès de toi, tout va bien. Dans la connexion avec Dieu, il y a l'espérance, il y a le soutien, il y a la délivrance, il y a la puissance, il y a les réponses, il y a les actions surnaturelles. Pour toutes ces merveilles innombrables innombrables, reçois notre reconnaissance et exhorte nos cœurs maintenant à nous tenir droit sur la parole et à nous s'en tenir à tes promesses pour que chacun tire la meilleure part de sa relation avec Christ, de sa relation avec le Dieu vivant, et chacun tire la meilleure part et soit le meilleur bénéficiaire de cette relation spirituelle avec Dieu. Et que nos prières soient exaucées. Donne la persévérance à chacun. Brise la faiblesse au milieu de nous. Brise les pouvoirs des maladies. Brise les pouvoirs des douleurs dans les membres du corps. Brise les pouvoirs de la rétrogradation. Brise l'influence du découragement. Donne le courage et de la foi, Seigneur. La force des croyants. Et la puissance de résurrection. Nous attendons à tes promesses. Nous voulons voir tes réalisations. Chaque jour et tes exploits. Au nom de Jésus-Christ, bénis l'exhortation de ta parole. Là, dans nos cœurs et pour ta gloire, nous prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Prise d'exhortation ici dans l'Ancienne Bible. Nous prenons Jean chapitre 15, que beaucoup d'entre nous connaissent. Juste le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et dans le psaume 130, le verset 5 et 6, j'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Ngai na lambeli yawe, mulimu na ngai elambeli, pe na jali na elikia mpona liloba na ye. Mulimu na ngai, kukulambelaka yawe kuleka basenjeli ba oyo bakulambelaka tongo. Ye kuleka basenjeli ba oyo bakulambelaka tongo. Adjo bénisse la lecture de sa parole. Lambe ya pambo na mutengu ya banaye. Et bonsoir au nom merveilleux de Jésus Christ. Nous allons partager un petit morceau de pain de vie. Nous savons que l'homme ne vit pas de pain seulement. Mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre méditation ce soir, c'est j'attends sa promesse. David l'a fait, moi je dois le faire, une promesse, lui promettre quelque chose. Non, notre exhortation, ce n'est pas dans le sens de chercheurs de promesses. Des gens qui sont là à s'offrir des promesses, qui se consolent en espérance, et parce que simplement l'adage des humains a dit, l'espoir fait vivre. Alors, quand on a affaire à des désespérés, des malheureux, ils ne peuvent plus attendre un lendemain meilleur. Des fois, ce que les humains trouvent de mieux à leur servir, c'est de leur nourrir d'espoir. En donnant cette promesse, en donnant une autre promesse, en donnant une autre promesse, en multipliant les promesses, des promesses parfois irréalisables, parfois irréalistes, immatures, et qui ne sont pas circonscrites. Vous recevez des promesses, pêle-mêle. Vous avez des promesses, pêle-mêle. Il y a des promesses toujours, et des promesses. On nous fait des promesses, des promesses, et puis rien ne se fait, et puis on ne fait rien. On nous fait des promesses, des promesses. Parce que simplement, on a affaire à des gens psychologiquement misérables, désespérés, qui n'ont pas du concret. Alors, faute du concret, on se met à les nourrir des espoirs. Nous ferons ceci. Et puis, nous ferons encore ceci. Et puis après, nous ferons encore ça. Et puis après, je ferai ceci. Et alors là, j'acclame. Et puis, ils disent Alléluia. Ce n'est pas dans ce sens-là que nous soyons désespérés ou déboussolés. On fait des promesses qui viendraient de la part des humains. Mais ici, Dieu a déjà écrit des promesses. Et il en a rédigé un programme. Conçu avant la fondation du monde. Communiquer et révéler au fil des temps. Et il a utilisé divers prophètes à diverses époques. Pour communiquer par leur bouche différentes promesses réalisables. Bien réfléchis. N'ont pas donné de manière sentimentale. N'ont pas formulé à la manière fanatique. N'ont pas formulé pour exciter les auditeurs. Pour exciter les auditeurs. Une vie véritable. Dieu Zoloué. Et quand cette promesse atteint nos cœurs, nous sommes heureux de nous savoir bénéficiaires de cela. Et de nous reconnaître là-dedans. Dans cette promesse que Dieu fait, que Dieu soit loué. Regardez ici dans 1 Jean chapitre 2, par exemple. 1 Jean 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Ça, par exemple, quand tu entends, tu vois que c'est déjà écrit, avant ta naissance, c'était déjà écrit. Donc, Dieu n'a pas écrit ça de manière sentimentale pour t'enthousiasmer. Il n'a pas formulé cette promesse quand il t'a vu venir à lui pour offrir un mot de prière. Mais c'est écrit dans sa parole. Et sa parole demeure éternellement. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Louange à Dieu des promesses. Gloire à son nom infaillible. Et ici, quand nous allons dans 2 Pierre chapitre 3, par exemple, verset 13, qui dit, 2 Pierre 3, verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Amen. Nous chrétiens, nous croyants, nous le peuple de Dieu, nous attendons, non pas par hasard, non pas sur base de rêverie, non pas à cause d'une philosophie bien développée, mais nous attendons selon sa promesse. Nous attendons selon sa promesse que nous reçions et une nouvelle terre. Donc notre espoir n'est pas vain. Notre attente n'est pas vide. Ce n'est pas par une soif de promesse. Mais Dieu l'a déjà conçu. Il l'a programmé. Et il l'a déclaré. Et il nous le révèle. Et nous recevons la révélation. Il y aura un jour de nouveaux cieux. Et une nouvelle terre. Et là-bas la justice habitera. Dieu n'a pas fait ça pour nous faire plaisir. Il l'a fait parce qu'il a programmé. Il a résolu de lui-même parce que personne ne l'est plus loin. Quel est le cas pour toutes les promesses de Dieu? Alors, les promesses de Dieu ne sont pas motivées par nous. Les promesses de Dieu sont motivées par Dieu lui-même. Quand il a programmé et qu'il trouve le motif valable, il est le objectif à atteindre, alors il déclare et révèle une promesse. Heureux ceux qui attendent. Béni soit ceux qui attendent les promesses. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. En matière de promesses, il est infaillible. Nous savons que c'est exactement ça. Et les promesses de Dieu ne sont pas motivées par nous. Ni par toi, ni par moi, ni par l'éternel chrétien. Mais c'est lui-même qui les conçoit. Dans chaque souveraineté. Et quand nous les entendons, tel qu'il nous a constitués, exactement pour faire de nous des enfants de promesses. Galatique. Il dit ceci au verset 28. La condition que Dieu donne à ses enfants en lui. La nature qu'il leur donne. L'entraînement et la formation qu'il leur donne. Ils peuvent commencer à les quatre. Galates 4, verset 28. Comme Isaac, vous êtes enfant de la promesse. Donc ce n'est pas après que vous soyez nés que Dieu ait conçu les promesses. Vous naissez d'ailleurs par les promesses de Dieu. Votre naissance même qui fait de vous enfants de Dieu, ce sont les promesses de Dieu qui les déclenchent. Votre naissance est le résultat de la promesse accomplie. Êtes-vous heureux de les savoir? Moi, je suis heureux de les savoir. Être un enfant de promesses. Si ce sont les promesses de Dieu qui nous engendrent, ils déclenchent notre nouvelle naissance. Ils nous donnent l'identité d'enfant de Dieu. Alors, nous avons la nature des promesses de Dieu. Et quand nous chantons debout sur les promesses, c'est que notre vie réelle que nous chantons. C'est notre vie chrétienne que nous chantons. C'est notre vie souhaitable que nous chantons. D'être debout sur les promesses de Dieu. Vous voyez, frère, quand une vache ou un veau naît, il a une nature en lui. Le premier jour même où il est né, vous le verrez chercher le lait maternel, il va téter. Dites-moi, qui lui a appris à les téter? Parce que dans le ventre de sa mère, il n'a jamais fait. Mais qu'est-ce qui fait que ce veau-là, c'est le premier jour? Parce que lui, il marche le même jour. Oui, c'est pas comme nous les humains. C'est différent des humains. Parfois les humains ils prennent tellement les temps, Il s'exerce un peu de Même le petit de chevreau. Aussitôt qu'il marche, Qui lui a pris à l'échelle? Dans le ventre de sa mère, il était déjà. Mais dès le premier jour, tous les soirs, il commence à dire. On ne voit pas la chèvre aller vers le chevreau pour lui proposer le lait maternel. Ça ne s'est pas. Comme on voit chez les mamans humaines, le bébé est né, on a encadré par les infirmiers, après, c'est la maman maintenant qui entraîne le bébé à téter. Mais chez les animaux, ce n'est pas le cas. Chez les chèvres, c'est comme ça. C'est le chevreau qui part chercher. Laissez-moi vous dire que c'est Dieu. Qui a appris à la vache à l'exécuter? C'est Dieu qui met en lui cette constitution. Qui vous apprend à aimer les promesses de Dieu? C'est la nature de la parole même qui vous a engendré. Même sans être entraîné particulièrement, ceux qui sont véritablement nés de nouveau, sont les enfants de promesse. Ils naissent par la promesse de Dieu. Et ils sont les gens qui de promesse. Dis ta mère. Comme c'est beau d'être enfant de Dieu. Oui, c'est Kolo alimbisi masumu, akangoli bombo inangai, apamboli yangona bozambe, apongole linga izela, atangise linga ipole na ye nanzela, na moni kler makamo maso, na sosoli mwango na ye, oye sengote, oye sengo. Quel bonheur d'être enfant de Dieu. Vous naissez des promesses de Dieu. C'est la promesse qui vous enchaîne. Et elle met à vous la nature des promesses. Pour croire au Dieu des promesses. Savoir qu'il est vivant pour accomplir tout ce qu'il a promis. Que c'est celui qui croit à sa vie, sa mère. Mes chers amis, David a dit, moi j'attends sa promesse. Et nous aussi, nous attendons sa promesse. Nous chrétiens, nous attendons selon sa promesse, les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Et encore nous là, nous attendons la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Promesse sur promesse. Où est vrai, tout est clair. Nous l'aimons parce qu'il est fidèle. Nous l'aimons et nous savons qu'il tiendra promesse. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. S'il y a quelqu'un qui douterait de ça, je demanderai de lire Hébreux chapitre 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Et tenons fermement le témoignage de notre espérance. La déclaration de notre témoignage, de notre espérance. La profession. La confession verbale de notre espérance. Ce que nous témoignons et attendre de Dieu, soyons fermes à ce sujet. En sachant que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il ne va jamais se rebiffer. Il ne va jamais se dédire. Lorsqu'il a dit, et c'est valable pour toujours. Ce qu'il promet, Abraham a cru qu'il peut aussi l'accomplir. En lui, il y a la nature de fidélité. En lui, il n'y a aucune trace d'infidélité. En lui, il n'y a pas de trace d'amnésie. Pour oublier ses propres promesses. Dieu ne peut pas. Dieu est parfait. Il ne peut pas oublier ses promesses. En lui, il n'y a ni infidélité, ni amnésie. Quand il a promis, il le fera. J'aimerais que nos cœurs y croient fermement. Et à partir de la promesse de Dieu, quelle que soit la promesse considérée, que chacun apprenne à être trop sérieux et trop satanique. Et la Bible, par le Saint-Esprit, nous dit, retenons fermement jusqu'à la fin la profession de notre espérance. C'est que nous espérons, c'est que nous attendons de la part de Dieu. Nous devons rester inébranlables, intraitables. Croyons ça jusqu'au bout. Parce que cela nous est révélé et que c'est pour nous. Abraham l'a fait et Abraham il a été honoré. Il l'a fait quant à l'enfant Isaac qui devait recevoir. Vous savez comment Dieu a honoré sa foi? L'enfant était une vieille dame. Appelée Sarai. C'est devenu Sarah. Dieu est fidèle à la promesse. Il est vraiment fidèle à sa promesse. Quel que soit le cas considéré. Voyez, bien aimé, nous devons garder ce témoignage, ce langage positif, soutenir notre espérance. Ne jamais céder au désespoir. Quand il s'agit des promesses de Dieu, parce que les promesses de Dieu sont formulées par celui qui est fidèle. Dieu qui ne marche jamais. Dieu qui ne faillit jamais. Dieu qui réalise toujours tout ce qu'il dit. Alors, retenons fermement jusqu'à la fin la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Et celui qui vous donne cette nature en vous, il fera que vous retourniez auprès de lui, le Dieu des promesses. C'était recevoir des énergies nouvelles à partir de El Shaddai. Il vous a formé comme ça. Il vous a engendré de cette façon-là. Et vous retournerez à lui. Et même quand vous voulez prier, vous réaliserez ses promesses. Et rien que de lui réciter ses promesses, ça vous encourage. Ça vous excite. Ça vous met sous l'onction. Ça peut même vous faire entrer à l'esprit. Une chose que la professionnelle pensait lointaine, mais dans un moment de consécration, vous la voyez au bout du doigt. Vous la voyez plus près de vous. Et Dieu devient si réel pour votre âme. David a dit, mon âme espère en l'Éternel. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Je crois que Paul est le langage des enfants de promesse. Il y en a parmi nous, ils vont se reconnaître. Ils vont prendre conscience de leur identité. Maintenant, mon âme espère. J'espère en l'Éternel. Mon âme à moi espère. Et j'attends sa promesse. Quel est elle? Toi, tu dois savoir. Derrière quelle promesse tu soupires ces derniers temps. Pour nous qui sommes dans le tabernacle chrétien, c'est la promesse de la résurrection entre les morts. C'est l'une des promesses que nous avons insinuées hier encore. Et nous l'avons ressorti dans trois passages bibliques. Pour dire que, noir ou pas, ça va se faire. La promesse est là, mais il faut que quelqu'un revendique ça. Et Dieu s'attend à ce que ses enfants rient. S'emparent des promesses. Revendique les promesses. Lui fasse du bruit autour des promesses. Car il les a constitués enfants de promesses. David dit, j'espère en l'Éternel. L'espérance. Mon âme espère. Et dans cette espérance, j'attends sa promesse. Moi, je compte sur l'Éternel. Mon âme compte sur l'Éternel. Plus que les gardes de la nuit, plus que les sentinelles ne comptent sur le matin. Vous voyez, c'est lui qui fait le travail des sentinelles. C'est quelqu'un qui expose sa propre vie pour la sécurité de quelqu'un d'autre. Tout peut arriver pendant la nuit. Quand on entre dans la garde, on sait comment on commence. Mais on ne sait pas que contient la nuit. Les bandits armés ils m'instanient par des méchants. On peut jeter des cocktails molotov sur la maison. Et le premier visé, c'est la sentinelle. Maintenant, chaque fois que la sentinelle entre pour sécuriser, ce qu'elle fait généralement, c'est de commencer à compter sur le matin. Mais que s'il ouvre, gloire à Dieu. Y a-t-il eu des incidents? Oh non, tout s'est bien passé. Il le dit à cœur joyeux. Un cœur heureux. Quand il va se reposer, il ne s'inquiète pas pour la prochaine nuit. Parce que s'il prend un tel rythme, il va craquer. Quand il va se reposer, il oublie tout le stress. Il se détend vraiment. Et il s'attend à la nouvelle nuit, selon les réalités que Dieu nous réserve. Et quand son travail de nous commence, il compte sur l'Éternel. Même chose avec le médecin du gars. Vous savez, parmi les métiers dans lesquels il n'y a presque pas de vacances vraies, il y a la médecine. Il n'y a pas de vrais fériés, il n'y a pas de vrais congés en réalité. C'est un service tenu d'être continu. Les problèmes de santé peuvent frapper la société, le quartier, la population. Alors il faut qu'il y ait toujours un médecin disponible. Il peut être consulté pour apporter secours d'extrême urgence. Mais la nuit est pleine de réalités. Vous savez, mes chers amis, en faisant la garde médicale, par les infirmiers, Parce qu'il y a une équipe, les infirmiers, les assistants, les médecins. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent arriver là-dedans. Des revanchards peuvent venir brûler l'hôpital. Des bandits armés peuvent venir forcer le passage. Saboter les efforts du gouvernement. Comme l'un des crimes qui a été commis dernièrement ici à l'Est. Une sœur catholique, religieuse catholique, a été calcinée. Pendant qu'elle faisait la garde médicale. Calcinée jusqu'à laisser au sol qu'elle était. Et le centre médical brûlé. Ces gens, ces criminels qui opèrent là-bas. Non, on ne parle pas ici de science-fiction. Pendant la garde, n'importe quoi peut arriver. Donc, des féticheurs peuvent venir tester les médecins. Amener des cas pièges. Certains policiers dans certains milieux s'amènent avec des corps pour maquiller un crime. Et ils viennent les laisser à l'hôpital. Il n'y a pas longtemps qu'un médecin a été assassiné ici. On a retrouvé son corps. On l'a assassiné vers Bandali. On a retrouvé son corps vers un terrain là de Jamaïque. Et ils ont maquillé ça en essayant de desserrer son étirette et tout ça. Mais ils ont un médecin en spécialisation ici à la santé publique, à l'école de santé publique. Imaginez des choses comme ça. Et c'est un médecin avec qui moi j'avais terminé ma formation médicale. Voilà comment il a fini sa vie. Les criminels ont opéré, ils ont fait ça. La nuit. Miséricorde. Vous voyez frère, la nuit n'importe quoi peut arriver. Mais quand ils l'ont fait, qu'est-ce qui se serait passé? On l'aurait d'abord amené dans un centre, après l'avoir étranglé. Arrivé là-bas, le centre a lavé les mains, ils ont dit que c'est pas notre cas. Alors là, il est mort, ils sont allés me les jeter quelque part. Ils avaient l'intention de venir les déposer dans un hôpital pour qu'ils me remettent des médecins qu'on dit. Il a fait une crise. Comme certaines pendaisons qu'on voit fréquemment. Ce sont des assassins qui ont tué. Et pour dissuader les gens, ils ont fait la vigilance, ils prennent une pagne ou une corde, ils vont l'attacher là-bas des fois. Mais comme on dit toujours, il n'existe pas de homme parfait. Quand on étudie bien, vous verrez toujours que ça c'est une histoire maquillée. Alors, la police criminelle pour ça. Tout ça c'est des choses qui peuvent se passer surtout la nuit. Et les sentinelles sont exposés, les policiers sont exposés, les médecins sont exposés, les infirmiers de garde sont exposés. Ils comptent sur le matin pour dire ouf, l'équipe du jour est venue pour nous relever et que les criminels n'auront pas la même audience que la nuit, la même grande marge de manœuvre que la nuit. Ils dorment et ils vont opérer tranquillement. Alors, quand le matin arrive, c'est pour eux la fin du service de nuit. Maintenant pour nous les chrétiens, la Bible dit, mon âme compte sur l'éternel, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Et comment eux là souffrir derrière le matin, notre vrai soulagement est dans le Dieu des promesses. Nous n'allons pas compter sur le matin. Ni sur le lever du soleil. Pour nous, Dieu existe à tout moment. Il peut nous protéger à tout moment. Il peut nous délivrer à tout moment. Il peut nous secourir à tout moment. Inutile de compter sur le matin. Compte sur ton Dieu. Sa promesse est celle d'un Dieu fidèle. Sa promesse réalise toujours. Ne compte pas sur une certaine heure, car l'heure peut connaître les troubles et les temps. Toi, tu attendais que le soleil se lève pour voir clair. Mais vers 5 heures, Mboula Makashi Koko Yina, au point que même la clarté du matin soit retardée. Tu vas regarder ta montre, il est déjà 9h, mais les nuages sombres qui enveloppent tous les firmaments sont la nuit se prolonge autour de toi. Le temps est incertain. Le soleil est incertain. Les étoiles sont incertaines. La lune est incertaine. Ils ont été créés par Dieu. Et Dieu peut changer les temps quand il veut. Il peut faire que les temps soient mauvais ou qu'ils soient bons. Au lieu de compter sur les temps, je t'exhorte à compter sur l'éternel Dieu. Compte sur le Seigneur plus que tout. Et là, c'est la leçon du psaume 130. Je vous invite à relire ça. Psaume 130, versets 5 et 6. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Quand il a dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quelle que soit l'épreuve, la délivrance est garantie. Et il a même dit que 1000 tombent à ta droite, 1000 tombent à ta gauche, toi ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu verras la rétribution de mes choses. Et aucun malheur n'atteindra ta maison. Voilà ce sur quoi tu dois compter. Voilà les promesses qui doivent former le socle de ta foi. La prière est une malédiction. Le chrétien ne doit pas vivre de la peur. Si tu es dans la peur, nous vivons sous la garde de Dieu. Mais lui, il veille sur Israël. Il te gardera la nuit comme les jours. Il a promis de te garder. Ce n'est pas le matin qui te délivre, mais c'est Dieu qui te délivre. Ce n'est pas le matin qui te sécurise, mais c'est la parole de Dieu qui te protège. Qui te ramène. C'est la parole de Dieu qui te garde. C'est vrai. J'espère en l'Éternel, mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Amen. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Voyez, il répète même que les gardes ne comptent sur le matin. Vous entendez? Saint-Gélie Yabutu, Sali Moussala Yabutu, Sodan Pico, et tous ces policiers, et tous ces infirmiers, et ces médecins de garde, ils comptent sur le matin. Si le matin est trop significatif pour eux, mettre fin à un service trop angoissant. Les surprises peuvent se produire. Nous comptons sur Dieu. Et c'est sa part, nous avons la délivrance garantie. Nous avons la sécurité garantie. Nous avons la fortification certifiée. Que les croyants se réjouissent en Dieu. Soyez certains de votre Dieu. Soyez vraiment certains de votre Dieu. Sachez qu'il est fidèle à son homme. Tout ce qu'il promet, il le fera. Ce ne sont pas tes idées qui te délivrent. Mais c'est Dieu qui te délivrera. Dans les sermons, l'aigle dans son nid. Prêché le 5 juillet 1956. Il y a une histoire de la mère aigle qui avait consigné ses petits chez une mère poule. Et là, maman moko pongo, a tika kibana na ye, paya maman moko soso. Mais attention, okay, chaque oiseau, que ce soit les poussins, les poussins de la poule, bah oui, maman soso, ou les aiglons, chaque oiseau naît avec sa nature. Il y a une attitude liée à l'identité naturelle qu'il possède. L'oiseau restera oiseau, l'aigle restera aigle, le poussin restera poussin. N'est-ce pas que c'est vrai dans la nature? Le chevreau restera chevreau. Le veau restera veau. C'est exactement vrai. Alors je prends le paragraphe 18 et 19. Revenons, parle de la visite de la vieille mère aigle qui est retournée vers le poulailler. Et alors la vieille mère aigle déploie ses ailes. Et ces petits aiglons comprennent d'une manière ou d'une autre par leur nature. Quand la mère aigle vient visiter le poulailler, elle déploie ses ailes, les petits aiglons, même s'ils n'avaient jamais volé de leur vie, même si on les a accoutumés à ne trouver qu'au sol, et la vie de la poule, elle entraîne ses poussins dans ses jeux. Mais quand la mère aigle vient pousser un cri, les petits aiglons, devant cette gesticulation, ils nous comprennent ce que les poussins ne comprendront pas. Problème de nature. Écoutez la belle histoire. Exactement comme un petit veau qui dès sa naissance s'est levé et allait têter sa mère. Le petit veau dès sa naissance, il s'est levé et allait têter sa mère. Il n'y a rien pour le lui apprendre, même pas une école, même pas une crèche. C'est une nature en lui et Dieu le lui apprend. Il n'y a rien pour le lui apprendre, mais c'est Dieu qui le lui apprend. Ces petits aiglons savent comment placer leur petite sœur dans les ailes de leur mère et de leur petit bec. Il s'accroche à une grosse et solide plume. Dès qu'il s'approche de la mère aigle et qu'il doit prendre l'envol, même si personne ne lui a appris, même s'il si a passé beaucoup d'années dans la basse cour avec la mère poule, le petit aiglon utilisera son bec pour accrocher une grosse plume de la mère aigle et subir toutes les pressions du vent sans lâcher prise, sans tomber. Ses aptitudes sont où? Dans sa nature. C'est pas une école de formation théologique. Mais c'est son Dieu créateur qui l'a rendu comme ça. Et c'est Dieu qui les leur apprend. Et l'église du Dieu vivant sait comment saisir la parole de Dieu. Même si vous n'y venez que pour la première fois. Et que vous entendez le message pour la première fois. Il y a en vous une nature prédestinée qui vous amènera à quoi vous accrocher. Même si la prédication est longue et d'autres s'en plaignent. Toi, tu le verras quand même. Parce qu'il y a en toi une nature. C'est un Dieu éternel. Et pour le Dieu d'éternité, le temps ne compte pas trop. Mais c'est son programme et sa parole qui compte. Et l'église, si Dieu vivant, c'est comment saisir la parole de Dieu. C'est grande et puissante celle de sa délivrance. Ce sont les ailes de délivrance de Dieu, la parole du Seigneur, la promesse. Les grandes ailes de délivrance. Et l'église s'attache à chaque promesse divine. Quand l'endroit subit une grande secousse, l'église s'attache à la promesse divine. Pour traverser la zone de turbulence, ou passer les mauvais temps, traverser les mauvais jours, les temps où la santé n'est pas bonne, l'église sait comment s'accrocher à la promesse divine. Dans les douleurs des maladies, par ses maîtres nous avons été guéris. Quelle que soit la force de la maladie, elle doit réguler. L'église s'accroche à la promesse divine. Pingama, moupepe kolemba. Yoko koyate. Yoko koufapete. Pingama, moupepe ne kolemba. Et toi, tu vas servir. Ils savent comment s'accrocher. N'a-t-il pas dit qu'est-ce que vous demeurez à moi? Et que mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. N'a-t-il pas dit ça? N'est-ce pas sa promesse divine? Pour nos moments de prière, chaque fois que nous prions, mais c'est oui et amen. Ils savent comment s'accrocher. Quelque chose le leur apprend. Le monde pourrait dire que c'est du fanatisme. Mais eux, ils s'accrochent à l'aile. Et ils tiennent fermement. Ils s'accrochent à l'aile. L'aile de délivrance. La promesse de Dieu. Bonne santé. Tout va bien. Amen. Mais ton monnaie aux olégatés, oui, Dieu m'a déjà guéri. Amen. C'est une aile de délivrance. Et elle va te lever au-dessus de ta maladie. Elle te lèvera au-dessus de tes douleurs. Elle te lèvera au-dessus des maladies chroniques. Elle te sortira de toutes ces peines infernales. C'est une aile. Dis-toi que chaque promesse là, c'est une aile de délivrance. Par elle, tu vas prendre l'envol. Par elle, tu surmonteras le mal. Par elle, tu auras la victoire certaine. C'est une aile de délivrance. Que Jéhovah, la mère règle, a tendu pour que toi tu grimpes dessus. Et que sois aisé. Ils tiennent fermement parce que la nature, de nature, ce sont des aigles. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils sont de l'église. Et cette vieille mère, quand elle tourne fièrement sa tête, la tête, elle voit sa couvée sur ses ailes. Sur ses ailes. Je me suis souvent demandé ce que Dieu fera. Suivez vraiment bien. Je me suis souvent demandé ce que Dieu fera. Il verra. Quand il verra son église occuper sa position conformément à la parole. Pour revendiquer chaque promesse. Pour revendiquer chaque promesse. Que Dieu a fait. Oh, comment nous oublions souvent ces promesses. Nous les négligeons. Nous les ignorons même. Je me demande ce que Dieu fera. Le jour où il verra son église prendre position conformément à la parole de Dieu pour revendiquer chaque promesse. Qu'est-ce que Dieu fera? Combien il tournera fièrement sa tête pour regarder et voir combien il les a aimés d'un vrai amour. Dieu saura que ce résultat-là, c'est le fruit de l'amour dont il a aimé. Et que l'Église s'est laissée imprégner par cet amour, s'est laissée convaincre par cet amour, s'est laissée persuader par cet amour, s'est laissée envahir par cet amour, pour pouvoir revendiquer ce chaque promesse. Sachant que Dieu est fidèle. Et ils garderont fermement la profession de leur espérance. Là, il voit chaque membre du corps prendre place côté position. Les hommes d'affaires chrétiens à leur place. Le prédicateur à sa place. Le prophète à sa place. Quand Dieu verra ça, il se souviendra du grand amour dont il les a aimés. Alors cette vieille mère pousse un grand cri, car son cœur est ému et il est rempli de joie du fait que ces petits aiglons connaissent leur place et qu'ils sont tous prêts. Et elle pousse un cri. Il s'envole dans le ciel. Oh, quel jour! Quand Dieu portera son église sur la parole, écoutez, et une certaine heure vient où nous nous envolerons sur les ailes du grand oiseau tacheté. Le grand Père de Dieu, le glorieux Saint-Esprit étant ancré dans la parole, une certaine heure vient où nous allons nous envoler. Nous prendrons le dessus et nous irons des dessus en dessus. Nous monterons jusqu'à ce que la pesanteur perde même aussi son état et que nous soyons enlevés dans le ciel même au jour de retour de Christ, là où il est entré pour nous comme précurseur dans le ciel même, comme nous l'avons entendu hier. Et il a donné la promesse à celui qui vaincra. Vous vous rappelez, cette promesse se lèvera un jour dans les cieux. Mais il faut aller de promesse en promesse, de croissance en croissance, de gloire en gloire, de miracle en miracle, de merveille en merveille, parce que ton Dieu vit et ses promesses sont effaillées. Que Dieu te bénisse. Tenons-nous debout maintenant pour la prière. Croissement numéro 83. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le prix pour d'entrer 10 000 pour mon âme. Il est délité la vallée et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. J'ai pris la gamme encore plus basse et il me faut monter un peu pour mettre l'équilibre. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le prix pour d'entrer 10 000 pour mon âme. Oh, c'est elle et c'est avalée et en lui seul je trouve ma purification et ma vie. Tapons les mains. Oh, ma réconfort dans les paix, après dans les sauts. pièges à côté. Alléluia, c'est en tes matin, mais laissez ma vallée. Fais le prix pour entrer 10 000 fois. Mon réconfort, ses peines appris dans le tourment. Il m'invite à lui confier chaque côté. Alléluia, c'est entre toi ces matins, mérité la parée. C'est le prix pour danser 10 000 tourments. La paix est pour tes cerveaux, comme est aussi ta peine. Passe pour tes présents dans les tentations. Pour lui, je te t'abandonne. Et ôter mon cœur, mais étonné par sa présence. Oh, même si le monde abandonne, oh, c'est ça dans mes temps. Car Jésus, j'attendais sûrement le but. Alléluia, c'est en tes doigts des matins, félicité la vallée. C'est le prix pour danser 10 000 fois. Oh, même si le monde abandonne, oh, c'est ça dans mes temps. Car Jésus, j'attendais sûrement le plus. Alléluia, et en tes doigts ces matins, félicité la vallée. C'est le prix pour danser 10 000 pour mon âme. Me quittera jamais, ne me laissera ici, tant que je la vois et fais sa volonté. Et mûr mes peurs, ordonnez-moi, mais dont je ne crains rien, mon âme a pas mis sur l'oreille. Oh, et nous, la vie. Alléluia! Feront sa face bénie à jamais, coule le peuple d'église. Alléluia, feront ses voix des matins, félicité la parie, c'est le prix pour entrer 10 000 hommes. Et nous, la vie dans la croix, feront sa face bénie. Alléluia, c'est en tes doigts des matins, félicité la parie, c'est le prix pour l'entrée 10 000 fois. Oh, et nos rapides, où nous s'envolerons, sur l'aile de l'aigle de Dieu. Coule le peuple d'Église, alléluia, c'est en tes doigts des matins, félicité la vallée, c'est le prix pour danser 10 000 pour mon âme. J'ai senti un mot encore, avant de nous séparer, un mot de prière chacun. En vertu de la petite exhortation, j'attends sa promesse. Que ce soit notre vie de tous les jours, la vie du croyant, s'attendre aux promesses de Dieu, savoir que Dieu est fidèle, et il est vivant éternellement, pour les accomplir chaque jour. Prions chacun. Chaque promesse dans le livre mien, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois à un amour divin. Chaque promesse dans le livre mien, chaque commerce dans le livre est mien. Chapitre, chaque verset, chaque. Ah, mon âme le croit, oui, je crois, son amour divin. Chaque commerce dans le livre est mien. Chaque commerce dans le livre est mien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque. Oh, mon âme le croit, oui, je crois. Son amour divin, chaque commerce dans le livre mien. Dieu bien-aimé, notre Père céleste, nous te remercions infiniment pour cette occasion merveilleuse. Oh, tu nous as écoutés. Oh, nous avons pu te parler. Et toi aussi, tu nous as exhortés. En toute simplicité. En nous disant des choses vraies, nous tiendrons notre foi. Nous justifierons notre espérance. Espérance que nous devons garder jusqu'au bout. Car toi, Dieu, tu es fidèle. Nous attendons ta promesse. Tu en as formulé plusieurs dans tous les aspects et les domaines de la vie. Dans tous les domaines du temps. Pour les générations et différents âges. Il y a des promesses et des promesses de Dieu. Laisse chacun de nous les connaître. Une après l'autre. En connaître davantage. Pour bannir la crainte, bannir la peur, dû parfois à l'ignorance. Mais Seigneur, nous voulons être forts et forts en Dieu. Nous attendre à Dieu. Que nos âmes espèrent en Dieu. Que nos âmes aient foi en Dieu. Adviennent qui pourra. Seigneur, sois notre soutien, sois notre secours et notre délivrance à tout moment par ta parole de promesse. Nous l'avons entendu, nous y croyons fermement, nous confions à toi pour la suite des temps et la suite des vies. Exauce chacun de nous, Seigneur, élève le faible parmi nous, donne la guérison aux malades, manifeste la délivrance pour ceux qui réclament. Surmonter toutes choses, les péchés et la tentation, la maladie et les douleurs, surmonter, prendre le déchet, prendre l'envol par la promesse. Cette grande aile de délivrance étant là sur la voie de chacun, chacun y monte tel sur un escalier pour monter plus haut. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, nous prions ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse richement.